Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Et à 5h du mat, les amis, oui, nous sommes toujours là en direct sur Fadjet, dans le cadre des 30 ans de Fadjet. Une heure égale une année, nous rentrons maintenant dans l'année 2005. Et avant de retrouver mon camarade Fred pour Multitube, que j'aurai le plaisir d'accompagner d'ailleurs hein, pendant 2h jusqu'à 7h du mat, je vous propose de revisiter cette année 2005 et on va commencer en musique puisque, oui, souvenez-vous, sur Fadjet, ce que nous écoutions en 2005 sur Fadjet, évidemment, la radio qui fête ses 30 ans, là, maintenant, tout de suite, encore et encore, jusque, dans 10h, on a encore 10h d'antenne, on est là jusque 15h. Je vous propose, tiens, là, maintenant, tout de suite, de nous écouter Eric Prats, Call On Me. Ça, c'était le son de l'année 2005. Qui pleuve, qui neige, qui vente, plus besoin que je t'invente. À pied, à cheval, en auto, Fadjet 94.2, c'est toi ma radio. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. Et 30 ans, ça se fête. C'est pour ça que sur Fadjet, nous avons décidé de vous accompagner en direct pendant 30 heures, mes amis. Nous sommes là jusque 15 heures. Il est 5 heures et 4 minutes. Oui, nous sommes bien en direct pour vous accompagner. Dans quelques instants, Fred prendra cette place. J'aurai le plaisir de l'accompagner jusque 7 heures du mat pour Multitube. Mais avant, on continue notre voyage puisque nous sommes en 2005. On avait envie de vous présenter celui qui a été le président de notre radio. Vous le savez, c'est une radio associative. Il s'appelle Christophe Chevardet. Je vous propose de l'écouter maintenant. Bonjour Christophe Chevardet, vous étiez au sein de Fadjet il y a quelques années, vous aviez un rôle important, c'était lequel ? J'ai fait un service militaire en 1996. Service militaire en 1996 au sein de Fadjet. Ouais. C'était pas la réponse que tu voulais entendre. Hein. Bah, c'est-à-dire que moi, toutes les réponses me conviennent, mais c'est pas ça que je m'attendais, effectivement. J'ai fait un service national ville en 1996, ouais, c'est à peu près un an ou deux ans après. À l'époque, il y avait un service militaire et c'était facile de pouvoir le faire dans des associations. Et donc, je l'ai fait pendant un an, la coordination de l'émission du matin. Je succédais à un ami d'ailleurs. La matinale, c'est ça. La matinale, voilà, c'est ça. Mais ta question, c'était par rapport à la présidence de Fadjet de 2005 à 2011. Exactement, c'est surtout ça que je voulais savoir. Alors, c'est quoi le rôle d'un président d'une radio associative comme celle de Fadjet ? C'est d'assurer le projet associatif, sa pérennité et son développement. Sauf qu'en 2005, c'était un petit peu compliqué parce qu'on arrivait à une période où il y avait un bon gros déficit et plus d'argent en caisse. D'accord. Donc, c'était ça qui était un petit peu compliqué. Et on a remonté, fidèle au projet, une association qui soit un lieu d'accueil, d'écoute et d'expression avec une attention particulière pour les jeunes en situation plus de fragilité. Alors effectivement, on se rend bien compte que financièrement, c'est pas un challenge facile à remonter. Qu'est-ce qui vous a permis de pouvoir justement combattre ce déficit ? Et est-ce que cette expérience-là vous a permis, ou d'autres expériences au sein de Fadjet, vous ont permis de progresser d'un point de vue personnel ou professionnel ? Toute expérience, qu'elle soit professionnelle, en l'occurrence pour moi, là, elle était associative et bénévole. C'est un enrichissement parce que il y a un, des apprentissages, deux, des rencontres et trois, le bonheur de créer ensemble. En vous écoutant, on se dirait que si Fadjet était un mot, ce serait peut-être rencontre ou énergie, lequel correspond le mieux ? Et ça serait fraternité. Ce serait fraternité. C'est, du coup, ça fait le... C'est un bon mix entre les deux. C'est un bon mix des deux, voilà, c'est bien vu. D'accord. Une dernière petite question, est-ce que vous pensiez, quand vous étiez à Fadjet, qu'on atteindrait 30 ans d'activité associative ? Oh, on atteindra même le centenaire sans problème. Ah ouais, carrément. Dans la mesure où un projet peut se remettre en cause, il avancera toujours avec sérénité. Bon, bah, il n'y a plus qu'à espérer que ça se passe comme ça, alors. Belle aventure à toutes, tous et chacun. Merci beaucoup, Christophe Chevardet. Fadjet, deux passions, la parole et la musique. Fadjet, pour une centaine de jeunes, c'est un lieu unique d'expression et d'écoute. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Et vous l'avez entendu, un plein d'émissions sur les ondes de Fadjet. En 2005, on retrouvait l'émission Célébrité, émission que je vous propose de redécouvrir par le biais d'un extrait. C'est tout de suite. Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission Célébrité. Le programme a changé car aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale car je vais recevoir dans quelques instants non pas un nouveau talent dans le domaine de la chanson mais un participant de l'émission Koh-Lanta de la saison 5. Il s'appelle Mathieu, il a 21 ans, il vient de l'Aksou. Si vous avez regardé la première émission de Koh-Lanta, vous l'avez forcément aperçu. C'est aussi le premier à avoir quitté l'aventure. Vous pouvez poser vos questions à Mathieu par mail tout au long de l'émission Célébrité avec un S. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'onde solidaire. Des centaines d'émissions, oui, des centaines d'émissions se sont succédées sur les ondes de Fadjet depuis 30 ans. Et nous, hein, c'est 30 émissions qui se succèdent depuis maintenant 9h hier matin. Et on est là jusque 15h en direct pour vous accompagner et pour fêter ces 30 ans de Fadjet. Et alors, on parle des émissions, mais il n'y a pas que des émissions, il y a aussi des vedettes qui sont interviewées régulièrement sur les ondes de Fadjet. On a déjà entendu Jean Dormesson, on a déjà entendu par exemple Nicolas Contelou. Et là, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un extrait de l'interview d'Oxmo Puccino qui avait été interviewé sur les ondes de Fadjet. Depuis 1985, Fadjet. Un lieu unique d'accueil, d'écoute et d'expression pour et avec des jeunes. Ils sont tous passés au micro de Fadjet. Stromae, Sœur Emmanuel, Simone Veil, Romane Boringer, Renaud, Oxmo Puccino, Michel Simès, Michel Boujna, Lilian Gagnant de The Voice, Gene Manson, Jean Dormesson, Groundation, Daniel Prévost, Canteloup, Antoine Decaune ou encore l'abbé Pierre. Fadjet, c'est plus qu'une radio, symbole de diversité. En 2006 également, au micro d'Aurélie toujours, Oxmo Puccino nous confiait une petite anecdote. L'autre jour, il y a un mec qui est venu et qui me fait c'est toi Oxmo ? Et je lui ai dit non, je suis son frère. Et il est parti directement, sans me dire au revoir. De toute façon, je suis de nature discrète. Avant qu'on me voie, faut vraiment piquer de l'œil, quoi. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Eh bien, bonjour. Ah, quel plaisir d'être avec vous en ce samedi matin avec Hermès Houseband juste derrière nous. Oui. Ça donne... Derrière nous, t'es sûr? Oui. Parce qu'ils sont nombreux, moi ça me fait peur quand ils sont derrière. Effectivement, on va faire attention, on va prendre soin de nous. Bien, chers amis, bonjour, bienvenue donc. Les 30 ans de Fadjet, bon réveil. Quoi que vous fassiez, on a envie de vous dire bonjour. Bon réveil, bonjour. Thomas en face de moi, salut Thomas. Eh oui, salut mon Fred, comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Tu sais que je suis content de passer de l'autre côté de la platine, oui, là. Oui, parce que depuis hier, t'étais... Depuis 23h, voilà, j'étais voilà. Derrière les platines. Là, maintenant, je passe côté micro, c'est pas désagréable non plus. Que du bonheur. En tout cas, Thomas, jusqu'à 7h dans Multitube. Ouais. Merci, quel bonheur, mais quelle avec joie. Avec plaisir, Fred. Depuis le temps qu'on voulait la faire, c'était l'émission nocturne tous les deux. Et en plus, ça fait plaisir parce que je souhaiterais que Fadjet fête ses 30 ans toutes les semaines. C'est clair. Mais par contre, c'était obligé qu'on soit tout nu pour ton émission ou... Oui, c'est d'accord. La, c'est c'était normal. La condition de Fabienne. Fabienne a dit vous faites l'émission la nuit les gars, mais nu. On a dit ok. Et eh ben ok, on y est. Ok, hein. Alors on s'est dit si on est que des mecs, ça va pas le faire, on va inviter une femme. Bah voilà, c'est ça. Et Brigitte, elle est là, nue aussi. Bonjour Fred, bonjour Thomas, bonjour à tous nos auditeurs. Salut Brigitte, nous sommes donc nus comme des vers, mais en tout cas nous sommes. Nous sommes brillants. Plus et de bonne humeur, plus brillants, comme des vers solitaires. Non, pas des vers solitaires, des vers brillants. On voit le mec qui n'a pas dormi beaucoup cette nuit. Hein. Ah là là, on n'a pas dormi du tout. Parce que moi, pour vous dire quand même, je rentre de soirée. Et le pire, c'est qu'après, on continue, nous, la journée. Ah oui. Parce qu'on prépare déjà l'émission de la semaine prochaine. Parce qu'on prépare les 31 ans de la semaine prochaine. C'est ça. Le message est envoyé à Fabienne. C'est ça, on t'embrasse Fabienne. Fabienne, quoi Fabienne, que tu fasses. Fabienne n'aurait jamais dû dormir à ce soir-ci. Non. D'ailleurs, je vais même vous faire une confidence. Vas-y, fais-nous une confidence. Fabienne, depuis une semaine, oui. Elle va chez son médecin tous les jours. Elle prend des cachets, elle avait la hantise d'un multitube à 5h du mat. Elle est suivie par un psy. Est-ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'on va continuer jusque 9, on a 17, c'était pour lui faire plaisir. Exactement. Et d'ailleurs, j'annonce aux animateurs qui vont nous suivre, ne venez pas. Non, dormez. On est là jusqu'à 15h. C'est ça. Non, mais rentrez chez vous, c'est pas la peine. Par contre, si vous voulez ramener les croissants, vous pouvez passer quand même. Oui, oui, et champagne, café. Évidemment. Voilà, merci beaucoup. Alors, en tout cas, vous l'avez compris, c'est la bonne humeur ici. Nous allons sourire à la vie comme la vie nous sourit, bien évidemment, pour ces 30 ans de Fadjet, les 5 lettres du bonheur. Oui. Rendez-vous compte, chers amis, Multitube est arrivé sur Fadjet. Fadjet avait 14 ans. C'est pas vrai. Ça donne un peu la longévité de l'émission. Ça fait 16 ans déjà. Et moi, je suis arrivé à Fadjet. Fadjet avait 12 ans. Sans déconner. Non. Ça rajeunit pas son âme. Sans déconner. Mais tu les fais pas. Non, voilà, je sais. Mais tu les fais pas. Je sais. Non, j'étais en soirée, donc je l'ai dit tout à l'heure. Les demoiselles n'arrêtaient pas de me dire, mais Fred. Fred, mais t'as 30 ans comme la radio. J'ai dit oui. Mais j'ai commencé. J'ai commencé, j'avais un an. Bien sûr. J'ai commencé en 1982. Fadjet n'existait pas. Mais je... Multitube a commencé en 74. 74, non. Il n'était pas né. Sous Giscard sur le RTF. J'étais dans ma caravane avec une antenne relais. Chers amis, amis boulangers qui nous écoutez. Vous pouvez nous amener les croissants gratuitement, amis boulangers, hein, c'est l'heure. Hein. Et justement, tiens, oui, justement. On va faire un truc. Et bah tu sais quoi, on va aller les chercher en direct. On va aller les chercher en direct. Non mais pas seulement ça. Mais si, on va le faire en direct. On va faire en direct quelque chose de très sympa. On va appeler des boulangers. Oui. On va appeler des boulangers, on va leur demander s'ils sont ouverts et s'ils peuvent nous amener les croissants. Ben non mais ils sont ouverts, c'est samedi. Bah, tu vois. S'ils sont fermés le samedi, qu'ils ouvrent le lundi, ils n'ont rien compris. Banco, dans 5 minutes, je te sors des numéros de boulangers, on les appelle en direct. Alors, on les appelle. On va les appeler. On va les appeler. On va appeler en direct les boulangers parce que. C'est bon ça. Et oui, on va leur souhaiter un bon anniversaire. Voilà, exactement. Fadjet fête ses 30 ans. Nous sommes entourés de la plus belle femme de Nancy, c'est Brigitte. Brigitte oui. est avec nous, quel talent. Et donc, il faut savoir aussi, c'est que on va vous réveiller dans la bonne humeur, vous l'avez compris. Mais nous, on s'adresse aussi à celles et ceux qui bossent. Et pour les 30 ans de Fadjet, vous, amis boulangers, pâtissiers qui nous écoutez, si vous avez l'occasion de nous offrir au moins, oh oui. au moins, on ne demande pas grand-chose, une cagette de croissants. Mais si possible, non. avant 5h30, parce qu'il faut qu'on les mange jusqu'à 7h. Voilà, oui, parce que nous, on ne veut rien laisser aux autres. Hein. Évidemment. On repart avec, on les vendra après. C'est ça. Mais, chers amis boulangers, si vous nous écoutez, appelez-nous. On va donner le numéro de téléphone du Standard. Et puis on va en appeler 03 83 35 22 62. J'ai déjà des numéros de boulanger qu'on va appeler en direct. Et puis on va appeler en direct. Bon, on va faire ça. On tout va suite. Faire ça. On va se caler. On fait ça tout de suite. On fait ça tout de suite. On fait ça tout de suite. Allez, vas-y. J'arrive. Fais le numéro. On va appeler un boulanger. Merci. 5h15. Tout va bien. Nancy se réveille. Ou alors Nancy va s'endormir pour celles et ceux qui rentrent de soirée. Pour les autres, eh bien merci de nous avoir suivis. Merci de d'être là puisque les 30 ans de Fadjet ça a démarré depuis vendredi 9h jusqu'à 15h, c'est la fête. De toute façon, on appelle un boulanger en direct, bien sûr, parce que c'est ça aussi les 30 ans de Fadjet, c'est ça, Multitube. On va demander au boulanger s'il y a possibilité de nous apporter quelques croissants. Alors, si le boulanger est actuellement en train de faire son pain ou ses croissants, il va être très difficile de répondre. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va donner le maximum de nous-mêmes. Parce que si vous vous réveillez en douceur, nous, on va secouer les boulangers. Alors, est-ce que ça sonne ? Est-ce que j'ai quelqu'un ? Allô ? Alors, c'est du pur direct, hein, chers amis. 5h16, vous écoutez la radio. Nous vivons les 30 ans de Fadjet. C'est Multitube jusqu'à 7h. Est-ce que j'ai quelqu'un ? Allô ? En direct, attention, une sonnerie, c'est pas la valise d'une radio parisienne. Est-ce que ça sonne ? Ça ne sonne pas, ça ne sonne pas. Alors attention, on est en train de régler en direct hein, les problèmes, les petits soucis techniques. Si besoin est, on va envoyer Thomas sur le toit ou Brigitte hein, faire ce qu'il faut. Mais en tout cas, Multitube, entre tubes et news. Et puis aussi ce matin, des appels vers certains boulangers de Nancy, ça va nous faire plaisir. En attendant qu'on cale un numéro de téléphone. Eh bien, si vous n'êtes pas boulanger, mais vous voulez nous apporter des croissants, la maison, eh bien, vous accueille, naturellement, jusqu'à 7h. Pour ces 30 ans de la radio, vous l'avez compris, les animateurs s'enchaînent, les émissions s'enchaînent, et tout ça dans la joie et dans la bonne humeur, bien sûr, parce que les 30 ans de Fadjet, c'est ça aussi, c'est une salve d'émissions qui se suivent tout en direct, et même la nuit, vous en avez eu la preuve, et vous en avez encore la preuve. 5h17, 6 degrés à Nancy, sur la place Stanislas, actuellement, pour vous montrer qu'on est bien en direct. 6 degrés sur la cité du Cal. Il fait à peine 8 degrés sur la place Kléber à Strasbourg pour celles et ceux qui nous écoutent. Et sur la capitale, on nous écoute également ce matin via le net. Il fait à peine 5 petits degrés. Donc voilà, vous avez les températures pour vous prouver que c'est bien du direct. Alors, Thomas, on en est où avec nos appels vers les boulangers ce matin ? On tente. D'accord. Alors, pour l'heure, on va marquer une pause musicale et on va arriver dans quelques minutes pour la suite, car nous sommes là jusqu'à 7h. On va vous réveiller dans le bon sens, bien sûr, chers amis. Et donc, ce matin, pour vous réveiller, alors que Fadjet vous propose toutes les heures des chansons des années passées, de 1985 jusqu'à aujourd'hui, Fadjet vous propose des chansons des années passées jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, s'il vous plaît, on va revenir en 2015 avec une chanson que vous avez proposée la semaine dernière. C'est la chanson qui va vous aider à bien vous réveiller, chers amis. Willy William avec Ego, et on va régler le problème avec nos boulangers. Multitube pour les 30 ans de la radio. Fadjet, les 5 lettres du bonheur. Multitube, ça démarre avec Willy William. Ego, 5h19, vous rentrez de soirée, doucement, prudent sur la route. Et pour les autres, si vous vous réveillez, bon réveil, on s'occupe de tout. Merci, Willy William, c'est Multitube, jusqu'à 7h en direct. Allez, allez, allez, laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices, personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez, je ferai tout pour t'accompagner, tellement je suis borné, je suis bien dans ma bulle. Allez, allez, allez, tout est beau, tout est rose, tant que je l'impose, dis-moi Willy, William, pour bien commencer votre journée en ce samedi matin, en direct bien sûr, nous sommes en 2015, au mois de novembre, nous sommes le 21 et c'est un samedi. On commence la journée ensemble, on commence le week-end ensemble et on a bien commencé avec ces 30 ans de la radio. On a bien terminé la semaine depuis hier matin 9h. En direct, Multitube bien sûr. Non, c'est la fête, hein. Ce matin, là, entre on a déjà des croissants, figurez-vous, hein, puisque Brigitte Nue est arrivée ce matin avec ses croissants. Ça lui va bien. Bien, chers amis, on l'a dit, avec Thomas, on va appeler la profession qui se lève tôt. Il est rue Saint-Dizier, le boulanger. Est-ce que ça sonne? Ah, oui, bien. Ça sonne. On va donner 6 sonneries, pas plus, hein, parce qu'on est patient, mais quand même. Bien, 5h21, on appelle la France qui travaille à cette heure-ci, 5h21. Non. Ah, et donc rue Saint-Dizier à Nancy, je dis ça pour celles et ceux qui habitent du côté du sud de la France. Rue Saint-Dizier, ça leur dit rien. Eh bien, c'est une rue parallèle à la place Stanislas. On essaie un autre boulanger. Peut-être n'avait-il pas mainmise sur le téléphone. Il avait peut-être la main dans la pâte. Alors, il ne pouvait pas tout faire. Bien, chers amis Multitude, vous l'avez compris, ce matin, on s'occupe de tout. Même d'appeler celles et ceux qui bossent actuellement. On appelle la profession, notamment qui, grâce à eux, on a du pain frais tous les jours. On appelle les boulangers. Et là, on appelle une boulangerie qui est du côté... De la rue Saint-Dizier, toujours. Toujours pareil. Il n'y a que des boulangeries, rue Saint-Dizier à Nancy. Venez nous voir. Alors. Est-ce qu'on répond? Est-ce que le boulanger répond au téléphone à 5h20? Mais non, parce qu'ils font du congelé. Non, non, c'est pas huissier. À 5h20, il appelle pas huissier. Ah, oh là, on coupe. On coupe. Ouais, on coupe. Voilà, très bien. Voilà, donc je rassure les boulangers qui nous écoutent ce matin. Si le téléphone sonne à 7h06, ça ne peut être que Fadjet. Pour les 30 ans de la radio, ce n'est ni la gendarmerie, ni la police, ni les fraudes. Bien. Eh bien, si on n'arrive pas à appeler un boulanger, on appellera ma mère. Ça lui fera plaisir. On en retente un? Elle va être ravie d'être réveillée. Oui, oui, tout à fait. Alors, donc, on retente un dernier boulanger, sinon après on appelle Fabienne. Qu'elle amène le café, s'il te plaît, oui. Fabienne. On appellera le président de la radio aussi. On va réveiller tout le monde. On appellera le maire de Nancy aussi. Il va être ravi. Ah, il va être content. Il s'en souviendra des 30 ans de la radio. Bien, est-ce qu'un boulanger peut répondre au téléphone? Alors, est-ce que tu fais des bons numéros? Oui, bonjour. Ah, Schmitt, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, monsieur, de vous déranger. Je suis à quelle boulangerie? Comment? Je suis à quelle boulangerie, monsieur? Boulangerie Schmitt. Ah, d'accord, bon, très bien. Bonjour, monsieur. Vous ne me connaissez peut-être pas, mais moi, je vous connais, monsieur. Ouais. Alors, oui, bien sûr. Alors, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Vous êtes en direct, mon cher monsieur, sur l'antenne de Fadjet pour les 30 ans de la radio. Vous êtes actuellement avec votre serviteur Fred. Il y a Thomas qui est présent. Salut, bonjour, Thomas. Monsieur. Voilà, il y a Brigitte aussi. Bonjour, monsieur. Voilà, et pour vous montrer que ce n'est pas une blague, voici un jingle. Ah bah il a cru que c'était une blague. À mon avis, faut que tu sois plus rapide. Tu il sais, rapide. Il décroche. Non, il bonjour, c'est Fred. Voilà, un petit jingle. Voilà, ouais, ouais. Et là, attends, tu lui dis direct, on veut des croissants. On refait. Non, alors, les boulangers sont sympas. Et d'ailleurs, ça le prouve bien ce matin. Au bout de 25 secondes, il nous raccroche au nez. On va le rappeler. On va le rappeler et on va lui dire que c'est vraiment du direct. Non, non, mais on va se présenter quand même. On me raccroche pas au nez. Alors donc, c'est formidable. 5h24, les 30 ans de Fadjet. On appelle nos amis boulangers. Soit ils ne répondent pas, soit ils nous raccrochent au nez. Non, moi je dis on est bon. On est très bien. Allez, on rappelle. Allez, nous allons rappeler notre ami boulanger avant naturellement de manger ses croissants. On va discuter tout de suite. Oui, oui, tout à fait. On va lui demander ses croissants. Il va décrocher. Il va décrocher. Il avait peut-être les mains dans la farine. Oui, non, ou peut-être il n'a pas compris. Mais non, mais c'est possible. Il n'a peut-être pas compris la situation, parce que 5h20, une radio qui appelle... Eh oui, c'est ça, c'est pas banal. En 30 ans, Fadjet n'a jamais appelé à 5h20, quoi. Je veux dire, il faut attendre l'arrivée des 30 ans, une multitude. Mais ça n'arrivera plus jamais, Fred. Allô, monsieur. Allô. Vous êtes connecté à un répondeur. Ah non! Alors là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon du tout. Alors, on va donc, on va quand même rappeler hors antenne le boulanger et on va rappeler un autre boulanger. Chers amis, on lâche pas l'affaire dans Multitube. Nous, croyez-moi, car... ça va être un peu notre fil rouge cette matinée. Voilà, tout à fait. Ça alors, peut nous tenir jusqu'à 15h s'il le faut, nous, moi, monsieur, je vous le dis. Tant qu'on n'a pas nos croissants, tant qu'un boulanger nous répond pas au téléphone, je vous assure, on stoppe la grille. Et sinon, on appelle Julien Courbet, qui voulait venir travailler dans cette radio à Fadjet. On l'appelle voilà. Et c'est lui qui le fera avec ses avocats. Voilà, dans le pire des cas, si on n'arrive pas à voir Julien Courbet, on appellera Robert. Il habite dans la rue du coin. Robert Il y aura l'affaire. 5h26, c'est Multitube et c'est Fadjet. Nous sommes en direct. Fadjet, 94.2. Dans quelques instants, chers amis, un appel vers un autre boulanger. Vous l'avez compris, si vous êtes là avec nous depuis tout à l'heure, eh bien, nous avons eu un boulanger au téléphone, mais il nous a raccroché au nez. Ça ne le fait pas. On ne fait pas ça pour Multitube. Bien, Brigitte arrive dans un instant avec la danse folklorique qu'elle sait bien nous faire, avec une samba également, et avec aussi un numéro de claquette. Thomas arrive dans un instant. Alors, Thomas... Oui, Fred. Parce que c'est bien, on fête les 30 ans de Fadjet. Oui, c'est ça. Ambiance de fête. D'ailleurs, je salue Fabienne, qu'on a pu voir sur France 3, d'ailleurs, hier. Non, j'ai eu le choc. J'ai eu un choc. Je regardais France 3 tranquille. Je demandais rien à personne. Mais non, moi non plus. Je veux dire, mes téléphones étaient tranquillement rangés. Je crois qu'elle demandait rien à personne non plus. Non. Et le choc, la violence inouïe. J'ai vu ma boss à la télé, quoi. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. On appelle France 3 tout de suite. Un mec qui veut appeler tout le monde. Bien. Est-ce que vous voulez manger quoi à midi, les gars? De la viande, vous voulez quoi? On appelle un boucher. Les gars, aujourd'hui, on va manger à l'œil. Non, c'est un poissonnier qu'il faut appeler. Là, les mecs sont dans le bateau à l'heure qu'il est. C'est maintenant qu'on appelle les poissonniers. On appelle Chalère. Bien. Vous voulez une bagnole? On appelle un commercial. Les gars. Non. Vous voulez la place du président? On appelle le président direct. Bien, chers amis, bien. On fait quoi maintenant? Bon, on se met de la musique et on appelle un boulanger? Oh ben on appelle un boulanger, on se met de la musique. Allez. On appelle d'abord la boulanger ou on met de la musique? Non, on met de la musique. Non, parce que sinon on pourrait appeler un boulanger aussi, mais bon, après on peut peut-être mettre de la musique. Moi j'hésite entre appeler un boulanger et puis mettre de la musique. Alors bon. Bon, faisons au choix. Mettons de la musique ou. Non, mettons un boulanger ou faisons. Écoutez, on va faire les deux en même temps. On appelle un boulanger, il va chanter. Ouais. Alors déjà, il a du mal à nous donner des croissants, alors si c'est pour le faire chanter. Il a même du mal à nous répondre. Oh oui, il nous raccroche au nez. Chers amis, tout va bien, 5h28, croyez-moi, les 30 ans de Fadjet. C'est seulement ici que ça se passe. C'est ici, hein, Multitube, jusqu'à 7h. Eh bien, chers amis, elle était présente à Paris-Bercy cette semaine. J'ai eu la chance, le plaisir, l'honneur, le privilège d'être, eh bien... Laisse-moi deviner. Ah, laisse-moi deviner. Alizé Non, pas du tout. Pas du tout. Et figurez-vous... Laurie Non, pas du tout. Vas-y, tu cherche. Tu parles de celle qui tombe de scène, là. Enfin, oui. Qui jette dans le public, mais qui oublie qu'il n'y a personne. Mais celle qui est tombée à mes pieds, en plus. Hein. C'est pas vrai. Elle est tombée à mes pieds. Non, mais là, elle a fait exprès pour le coup. Les bras de Fred n'étaient pas assez grands pour la rattraper. Figurez-vous que j'ai touché les pieds de Charles. Tu n'as pas lavé les mains depuis. Attendez, je vous explique la scène. J'étais donc Paris-Bercy, vous l'avez compris, j'étais dans la fosse et j'étais carrément devant les barrières. Hein. Donc moi, il n'y avait personne qui me gênait. Mais en tout cas, moi, je gênais du monde. Il y avait un gamin qui était derrière, là, il se dit... Expliquons qu'à 1m90, ça gêne les enfants d'un 1m60. 1m93, monsieur. Excusez-moi. Je parle de ma taille. Oui, hein. Ah bien. J'avais compris. Bien. Et j'avais un gamin qui était derrière, il disait à son père, « Papa, ils ont amené la tour Eiffel ou quoi ?» Et là, je suis arrivé, je me suis dit, « Oh !» « Oh, Scheim !» Voilà. Et... « Ah, Scheim, voilà, c'est elle !» Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Madonna. Ah, alors c'est quoi? Monsieur Scheim. Alors, écoutez Monsieur... ça. Monsieur, c'est Scheim. T'es allé la voir cette semaine, tu me l'as dit, Rantaine. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça, c'est sûr. Non, mais. Tu sais que j'ai fini la nuit avec elle après? Pas possible. Ah, bah, si, parce que moi, elle m'a raccompagné Gare de l'Est le lendemain matin. Formidable. T'es sûr que c'était la même? Ah. Scheim, je tiens à vous dire que Scheim a exactement 102 tatouages. Je les ai comptés. 102. Et t'as pas remarqué, il y a écrit Thomas dessus. Non, c'est pas écrit Thomas. Non, pas du tout. Non, j'ai bien regardé. Non, alors, elle a bien Fred écrit quelque part, mais c'est tout, ça s'est arrêté là. Et par contre, sur un de ses tatouages, je crois qu'il y a le numéro de téléphone d'une boulangerie de Nancy qui écoute de la musique. Ah on va passer par Scheim. Chers amis, voilà, exactement, voici l'effet de serre. En vous souhaitant un bon réveil, une bonne matinée. Scheim à Paris-Bercy, c'était excellent. C'était la finale de son paradoxal tour. Ce matin, voici l'effet de serre. Bon réveil à vous qui nous écoutez, à la France qui se lève tôt. Fadjet, fête ses 30 ans. Scheim qui prépare déjà un nouvel album. Super, Paradoxal Tour à peine fini. Scheim déjà dans le studio pour préparer son futur album. Bravo. Elle a de la classe, elle a de la voix, elle a du professionnalisme. En quelques lettres, Scheim. Du professionnalisme aussi en quelques lettres, ça se trouve sur Fadjet. Et notamment pour les 30 ans de la radio, Multitube, notre fil rouge de ce matin, c'est naturellement d'appeler des boulangers. Et nous appelons une boulangerie. Donc nous avons... Allô. Oui, bonjour monsieur, ne quittez surtout pas, vous êtes en direct sur Fadjet. Fadjet, 94.2. Bonjour monsieur. Non, c'est pas vrai. Si, si, vous êtes en direct sur Fadjet. Oui, vous êtes sur Fadjet, bonjour. Sur Fadjet. Voilà, très bien, bonjour. Ouais. Votre prénom monsieur? Je m'appelle René. Ah René, très bien, bonjour René. Et René, quel âge avez-vous, sans être indiscret? J'ai 17 ans. Mais j'ai l'impression de reconnaître votre voix, René. Eh bien, René, vous êtes vraiment exceptionnel, quoi. René, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous pouvez nous dire le métier que vous faites? Est-ce que vous pouvez nous dire le métier que vous faites? Je suis animateur radio. Oh le blaireau. Ah, super, je me suis dit, tiens, c'est étonnant quand même, ça raccroche pas. T'aurais pu quand même jouer le jeu jusqu'au bout, Thomas, et au moins, effectivement, tu nous aurais ramené des croissants, parce que la fine équipe de Fadjet présente dans les studios, nous, on attend qu'une chose, c'est des croissants. Alors, c'est ça, on va appeler le vrai boulanger, alors. Je vais arrêter de parler à mon téléphone, je suis près du micro. Voilà, exactement. Voilà, très bien, en plus, il y avait l'écho. Eh bien, merci. Merci, Thomas. Donc, effectivement, là, on appelle une véritable, un vrai boulanger. Un vrai. Allez, un vrai de vrai, quoi. Vous savez, à 5h35, la France qui se lève tôt, la France qui va travailler en ce samedi matin, n'attend qu'une chose, c'est que Multitube réussisse. Réussisse la mission d'avoir des croissants. Et je pense que le boulanger qui va décrocher, qui va nous apporter les croissants, on lui fera une dédicace, une belle chanson d'amour. Interprétée et chantée par Brigitte. Cela dit, c'était bien le coup du jingle. Hein. C'était pas mal, c'était rapide. Hein. Franchement, moi, j'y ai cru. Ah oui, oui. Allô? Oui. Oui. Bonjour monsieur, ne quittez surtout pas, vous êtes en direct sur Fadjet 5h35. Fadjet 94.2. Bonjour monsieur, vous êtes bien boulanger ? Oui, pâtissier. Ah, pâtissier, ah, j'adore. Bonjour monsieur, vous êtes dans quelle ville ? À Nancy. À Nancy, bonjour. C'est la radio Fadjet, nous fêtons nos 30 ans, c'est Fred à la radio avec Thomas et avec Brigitte. Bonjour monsieur. Et vous, est-ce que vous connaissez Fadjet ? Non, pas du tout. Oh, monsieur, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais on vous aime bien quand on même. On vous en veut pas, c'est l'émission Multitube actuellement à 5h36 du matin. On est aussi en direct ce matin. Voilà, nous aussi on s'est levé tôt comme vous, monsieur. Voilà, alors donc, monsieur. Bah oui, vous savez, on a même pas dormi. On n'a pas dormi. Nous, on a été en discothèque, tout ça, on a. Non, attention, nous. En fait, si vous aimez mieux, monsieur, votre prénom déjà, vous pouvez nous le rappeler ? Antoine, figurez-vous qu'on est parti en soirée, après on a fait l'émission et on s'est dit il faut appeler Antoine. Ouais. Je vous explique monsieur, Fadjet fête ses 30 ans. Fadjet, c'est plus qu'une radio, c'est les 5 lettres du bonheur et nous cherchons donc une boulangerie. Un boulanger pâtissier qui sait ô combien faire du bon pain et des croissants. Nous ouais. cherchons à avoir quelques croissants. Pour les 30 ans de la radio, monsieur, est-ce que vous êtes prêt à jouer le jeu ? Allez-y. Alors, c'est-à-dire que nous sommes à la recherche, monsieur, d'une boulangerie très sympathique qui saura nous donner à peine... À peine. On n'a pas besoin de beaucoup, 3. On n'a pas besoin de beaucoup, on n'a besoin que de 5 croissants, monsieur. Oui, mais venez les chercher, alors. Ah, mais avec plaisir. Mais il n'y a pas de problème, alors, monsieur. Alors là, je viens les chercher Je vais vous dire quelque chose, Antoine. Oui. Je connais bien le métier, puisque pour rentrer dans la confidence, mon père était boulanger. Donc, mais c'est ton papa, c'est peut-être mon père. Donc, je sais que vous faites un métier difficile et vous êtes en décalé parce que vous travaillez pendant que d'autres dorment. Ah ouais, oui, c'est comme ça, c'est les lois du métier. Exactement. Et à mon avis, quand je vous entends, Antoine, je me dis, c'est pas un métier que vous avez, c'est une passion. Ah voilà, c'est ça, vous avez tout à fait raison. Voilà, Antoine, ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier ? Ça va faire une douzaine d'années. D'accord. Ah oui. Alors, quelle est la différence entre le pain d'aujourd'hui et le pain d'hier ? Véritable question, mais alors, c'est parce que le pain. Après, pour tout vous dire, aujourd'hui, il y a des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques de fabrication. Après. Très bien. Et vous, vous êtes plutôt pâtissier que boulanger, vous disiez, Antoine ? Pâtissier, oui. D'accord. Donc, c'est plutôt les gâteaux chez vous ? Mais d'ailleurs, je suis en train de travailler en même temps que je vous parle. Ah mince, c'est alors, formidable. Comme quoi les hommes. Non, mais comme quoi les hommes, on sait faire plusieurs choses à la fois, contrairement aux femmes. Bravo, Antoine. Antoine est en train de nous dire là, j'ai pas beaucoup de temps, venez chercher les croissants. Non, mais voilà. Alors, Antoine, juste une chose. Antoine, on va venir chercher nos 5 croissants. Très bien. En vous remerciant. Antoine, je vous embrasse. Et on arrive. Vous êtes à quel endroit près de Nancy ? Et moi, j'ai rien à gagner, moi. Alors si, justement. Un bel autocollant Fadjet. Non, attendez. Vous avez gagné un autocollant. Non, vous avez gagné un autocollant. Il n'y a pas d'argent. Ah, mais vous savez, monsieur. Radio associative, mon cher monsieur. Non, si seulement. Alors, monsieur, vous savez, chez nous, le bonheur ne se traduit pas et ne se calcule pas en argent. Ah, à Fadjet. Ça vaut pas le coup, alors. Non, c'est pas ça. C'est que à Fadjet, le bonheur se signe différemment. S'estime, le bonheur se signe à la fois par notre sourire, par notre dynamisme et surtout par la volonté de garder le sourire au quotidien. Voilà. Donc, retenez tout ça alors. Voilà. Exactement. Retenez tout ça, mais en tout cas, je vous envoie le messager du sourire, le messager du bonheur. Oui, on va prendre l'adresse hors antenne d'Antoine et on va venir chercher les croissants. Merci Antoine. L'adresse, par contre, je la connais pas du tout. Je suis désolé. Vous connaissez pas l'adresse où vous travaillez ? C'est la pâtisserie Janie à Saint-Max. Eh ben voilà. Eh ben c'est noté. Vous savez quoi ? Voilà. C'est dit. On arrive. Eh ben voilà, très bien. Et on va vous envoyer quelqu'un, dans les 3 minutes à peine raccrochées, la personne est déjà devant la porte. Ouais, on va arriver du centre-ville de Nancy. Merci à vous, suite, Antoine. Vous n'auriez pas un peu de café par hasard? Merci, non, pardon. On merci, arrive, Antoine. Merci Antoine. Beaucoup. Merci beaucoup. Le festival de toutes les musiques. Vous l'avez compris, Multitube a appelé un boulanger, Antoine, qu'on salue. Et grâce à Antoine, nous allons avoir, grâce à la boulangerie de Saint-Max, nous allons avoir nos croissants. C'est formidable. Alors maintenant, on va appeler donc... voilà. Mais c'est ça. Très bien. Maintenant, on appelle qui maintenant ? Parce que c'est bien les croissants, mais qu'est-ce qu'on met avec les croissants ? Eh bien, ce qui serait bien, c'est avoir quelqu'un qui nous apporte le café. L'appel est lancé aux auditeurs. Appelez une brasserie de Nancy pour leur demander si on va appeler une brasserie. Dans le pire des cas, on appelle Fabienne. Voilà, exactement, notre chère directrice. 5h40, chers amis, nous allons vous faire danser, car ce matin, pour les 30 ans de la radio, eh bien, nous allons vous faire danser direction le Brésil avec la samba, direction le Brésil avec Bellini, en vous souhaitant surtout un excellent réveil. Et puis, chers amis, quoi que vous fassiez, on a envie de vous dire bonjour si vous venez d'arriver. Sachez que Fadjet fête ses 30 ans, les 5 lettres du bonheur. Avec Multitube jusqu'à 7h, Brigitte présente et puis Thomas. Bah oui, bien sûr. Et Fred qui va nous danser la samba. Voilà. Vous savez que en soirée tout à l'heure, il y avait des demoiselles, elles dansaient sur cette chanson-là dans un bar latino. C'est pas vrai. Je vous assure que waouh. Et t'as ramené des photos, des vidéos ? Non, j'ai ramené les demoiselles. C'est beaucoup mieux. Voilà, il y en a au moins une ici qui s'est lancée la samba. Ah, on vous adore, on vous aime. Merci, bon réveil et puis merci Antoine, notre boulanger. Samba, direction le Brésil, 5h43 en direct sur Fadjet Multitube. Horaire exceptionnel, émission exceptionnelle pour un événement exceptionnel, les 30 ans d'ondes solidaires. Chers amis, merci de nous avoir choisis pour ce samedi matin. Ah, j'adore. Le Brésil, la samba du Brésil. Nous... Alors on appelle quelqu'un d'autre. Alors on appelle quelqu'un d'autre. Alors... Attention, c'est ça. Ah, déjà, oh, ça commence bien, ça raccroche. Ça commence. Je pense qu'on a réveillé quelqu'un. On refait. On va refaire le numéro, car on ne lâche rien. On appelle quelqu'un, au hasard, naturellement, car c'est ça aussi. En attendant, l'équipe de la matinale qui arrivera tout à l'heure à 7h, eh bien, Multitube réveille la France. Ce matin, après le boulanger, nous appelons donc une personne au hasard, prise dans le bottin datant de 1972. Voir le numéro commençait par 347 à l'époque. Et oui, on a évolué depuis. Et donc là, nous allons appeler. Ah, attention, première sonnerie. Nous appelons quelqu'un au hasard. C'est vrai que c'est la valise. Oui. C'est ça. Attention, on n'ira pas plus loin. On va demander quand même. On n'ira pas plus loin que 4 sonneries. C'est sûr qu'à 6h moins le quart, ça peut impressionner. Quoi. Le téléphone sonne. Non, mais il faut être des malades. Allô, c'est les pompiers. Voilà. Allô. Non, voilà. Allô. Allô. Ah, est-ce que nous avons quelqu'un? C'est peut-être un muet. Allô. Allô, allô. Bonjour, allô. Alors. Ah non. Ah non. Non, non, je crois que cette fameuse Patricia, puisqu'elle se prénomme Patricia, ne veut pas répondre. Ne veut pas répondre. Donc je pense que nous allons passer à un autre numéro, car nous avons décidé de réveiller la France ce matin. Moi, je propose qu'on appelle quelqu'un qui va bientôt venir dans cette maison, dans tout, pas longtemps. Tout à fait, on l'appelle. Je Allez, pas, c'est je parti. Cherche son numéro. Non, puis comme on est des malades, on va appeler mon conseiller financier. Non, parce que j'ai son numéro, là. Je prends mon répertoire, j'ai le numéro, oui, voilà. Ma grand-mère, c'est pas la peine, elle a enlevé ses outils pour entendre, donc elle n'entendra pas le téléphone. C'est pas la peine. Ah, ça serait pas mal. C'est parti. Ah, donc là, on appelle François. Mais non, François. Qui viendra faire la matinée. Ah, à 7 d'accord, heures. J'ai eu peur. On va le réveiller, on va vérifier qu'il s'est levé quand même. Bien sûr, bien sûr. Si c'est pas levé. Alors là, peut-être. Il va nous filtrer, il est François. Peut-être sous la douche. Hein. Parce que moi, on m'aurait appelé à 3h45, j'étais sous la douche. Hein. Eh François, tu peux pas nous faire ce coup-là. Hein. Moi, j'étais pas levée encore. Oh, d'accord, Brigitte dormait. Une demi-heure avant, je te tendais. Si c'est le répondant, on lui laisse un message hein, quand même. Oui. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de François. Fais gaffe, coupe ce son. Ouais. Alors, non, attends, c'est oui. Bon. Voilà. François, tu fais quoi? Oh, François, réveille-toi. François, c'est Fadjet, tu es en retard. Déconne pas, mets-lui un jingle au cas où il y croit pas. F-A-J-E-T. Alors attends. Non, parce que ce qui aurait été bien, c'est que François, avant de venir ici, passe chez Antoine chercher les croissants. Oui, oui. François, déconne pas. On te laisse un message. Ce n'est pas la peine de venir à la radio, non. Les mains vides. Donc... Viens avec du café. Et alors, on a Antoine, qui est un boulanger de Saint-Max, hein, qui voilà. Nous a proposé des croissants, mais il faut aller les chercher, François. Et en même temps, si tu peux sortir mon chien, je te laisse les clés. J'ai pas de chien. C'est ça. Bon, on va peut-être couper le message parce que sinon il va pas l'entendre. Ah, mais oui. Faut exactement. Qu'il l'entende à temps. Oui, oui. Non, hein, non bah alors. On va, tu auras plus de temps. Oh, voilà, ouais, très bien. 5h47, chers amis, on va faire un autre numéro puisque là, nous allons appeler. Nous allons appeler une autre personne au hasard. Dans ton répertoire, vas-y, Thomas. Bon. C'est ce qu'on appelle le direct. Vas-y, Thomas. 5h47, c'est Multitube, bien évidemment. J'ai une histoire drôle en attendant. Non, pas, c'est pas l'heure. Non, c'est pas l'heure. Bien. Alors donc, Brigitte, en attendant que Thomas choisisse un numéro de téléphone au hasard, Brigitte, un petit mot peut-être sur les 30 ans de Fadjet, parce que Fadjet fête ses 30 ans depuis hier matin jusqu'à tout à l'heure dans l'après-midi. Un petit mot parce que c'est vrai que Brigitte, tu vis quand même les grands événements de la maison chaque année. Tu viens de temps en temps dans Multitube quand c'est la Saint-Nicolas, quand il y a des grands événements. Donc un petit mot sur les 30 ans de la radio. Voilà, je remercie Fred de m'avoir invité pour l'événementiel des 30 ans. C'était une suggestion de Fabienne tout dernièrement. On la remercie également. Donc effectivement, j'ai le plaisir de participer aux grands événements de Fadjet et aux grandes participations sur les festivités habituelles de Nancy, que ce soit la fête des associations ou autre. Il y a 30 ans, évidemment, j'étais déjà à Nancy, mais je ne connaissais pas Radio Fadjet. Je participe et je connais Fadjet depuis plusieurs années maintenant. C'est toujours un plaisir de participer à tous les événements organisés par la Radio Fadjet 94.2 pour nous réveiller ce matin, oui. Ou tous les samedis matins d'ailleurs, puisque en général à 9h05 nous sommes tous à l'écoute. Voilà, alors tout à l'heure à 9h on sera pas là. Hein. Oui, mais peut-être d'ailleurs, qu'on on sait va pas continuer si on va revenir à écouter les numéros, autres animateurs. Avec les numéros de téléphone qu'on balance ce matin, je sais même pas si on va continuer. À mon avis, ah. Ça va être dur samedi prochain. Ah. Alors, d'autant plus sonner, qu'on va laisser les ça 06. Sonne. Voilà, ça sonne. Alors en fait, on appelle ma sœur. Et si elle répond pas, on donne son 06. Hein. on appelle ma frangine, oui. On va l'inquiéter, la pauvre, à 6h10. Non, alors, 5h49, c'est la radio, c'est Multitube. Par contre, elle peut aller chercher les croissants chez Antoine. Elle n'est peut-être pas comme son frère. Ça serait pas mal. Ça serait Allô pas mal. Allô? Bonjour. Ah, c'est dommage. C'est elle dommage. Elle n'est pas comme son frère, elle coupe le téléphone. On va lui laisser un message. On va lui laisser un message. Sandrine. Ah, oui. Bah, c'est bon. Ah, bah voilà. Sandrine, c'est la radio. C'est plus que. Alors, c'est beau la famille, hein, ça s'écoute. Bonjour, pas, c'est pas levé à ce temps-là pour toi. T'écouter. Exactement. Alors, c'est quoi, Fred, ta famille là qui t'écoute pas? Ouais, non, mais c'est quoi? Alors, c'est pas grave. C'est alors, on va faire quelque chose de mal. On va faire. On l'embrasse quand même, Sandrine. On l'embrasse, Sandrine. Ah oui, bien sûr, Sandrine. Sandrine, on l'embrasse, mais alors, c'est pas normal qu'elle réponde pas. Alors, on va faire quelque chose de mieux. On va appeler mes parents. Ah non! Ah non, non, laisse-les dormir. Je vais les inquiéter, les pauvres. 5h50. Nous sommes des malades. Numéro de téléphone. Je donne le numéro de téléphone. Attention, nous les appelons. Nous les appelons, c'est ce qu'on appelle le direct. Alors, j'allais donner le numéro, moi. Non, non, mais gros malade. Gros malade. Alors, on va appeler sur la ligne fixe parce que sinon. Non, mais c'est multitube, c'est les 30 ans de la radio. Alors, on y va, je te donne le numéro. Voilà. Voilà, vous êtes, voilà. Voilà, donc voici le numéro. Attention, on appelle. Voilà. Voilà, voilà. Attention, c'est peut-être la dernière fois que j'aurai mes parents en ligne. Après, ils vont plus m'ouvrir la porte. Nous appelons donc, attention, mes parents. Les pauvres. Pour les 30 ans de la radio. Attention. Attention. On va lui demander ce qu'ils ont prévu pour le prochain anniversaire de Fred. Oui, non. Ah bah là, pour rien. Voilà, non mais c'est bien. Là, c'est fini là. Ah bah là, c'est mort. C'est mort. Ah bah, je veux dire, c'est même pas déshérité, t'as pas de chance. C'est pour la lettre au Père Noël. Non. Ça... Alors, mais personne décroche le téléphone. Mais ils dorment. Tu sais que moi, alors on va pas appeler mes parents parce qu'ils ont plus le téléphone. Mais ils m'écoutent à ce temps. Alors, dans ma famille, ils ont le téléphone, mais ils n'écoutent pas. Tu sais qu'on parle sur le répondeur de tes parents quand même. Présente-toi, peut-être, dis qui tu es. Oui, bonjour, ce n'était que votre fils. Et tout va bien, faut le préciser quand même. Et tout va bien, je suis au commissariat de police. Bon, un autre jingle quand même. Pourquoi j'appuie toujours sur le même? Merci. Le festival de toutes les musiques. Alors, chers amis, croyez-moi. Oui, je te crois sur parole. On va faire mieux. J'ai peur de la prochaine idée, moi. Pas du tout. Le temps d'une pause musicale. Ouais. Nous allons préparer l'événement. Croyez-moi, il y va. Attention. Alors, on va se prendre un mur. À quelle vitesse? Je sais pas. Mais on va se prendre le mur. C'est ça. C'était la dernière. On a fini en beauté à 5h du mat, quoi. Bon, c'est alors, ça. Chers amis, c'était un plaisir de se scratcher devant vous tous, là, tu vois. Voilà, non, parce que là, le mur, on se le prend. Grave. C'est-à-dire, on est dans la voiture, mais il n'y a plus de pilote. Et là, si vous aimez mieux, j'ai déjà choisi la chanson. Hein. Ah bah, vas-y, on voit. Là, soyons fous. La semaine dernière, ça tombait bien, mais aujourd'hui, non, dis pas une chose comme ça. Oh, non, c'est les 30 ans de la radio. Bien sûr. C'était universel. Et c'est pour ça qu'il l'a passé ça la semaine dernière. Et vous allez pouvoir danser avec. Non, on fait la fête. Non, on fait la fête. C'est une semaine. Vous écoutez la radio, vous chantez, vous allez pouvoir danser avec moi dans quelques instants. Oui. Est-ce que tu veux que je fasse la météo tant qu'on y est en même temps sur cette musique? Un petit point météo. Pour vous annoncer qu'il pleut dehors et que vous êtes mieux dans votre lit à écouter Multitube. Ok, sur la musique samba. Restez sous la couette, chers amis, les pieds en montagne. Nous arrivons, nous rejoignons, surtout si vous êtes jeune, blonde. À forte continuité. Et si tu t'appelles Chaïm, elle est blonde. Qui est vachement blonde et à forte poitrine, ouais. C'est tout le contraire, quoi. Il n'y a absolument aucun problème, quoi. Alors, vous avez le choix, chers amis, parce que là, le moment est crucial. Oui. Chers amis, vous avez le choix parce que je vous aime, vous qui êtes présents ici et qui... alors, vous nous écoutez ce matin, mais vous, Thomas, Brigitte, Fred. Et puis mes collaborateurs qui sont juste là, dans l'obscurité. C'est ça. Ils ont décidé de garder l'anonymat. Ils ont peur, ils veulent rester là, tu vois. Eux, ils s'accrochent à peu près. Ils veulent rester là. Et puis, ils gardent leur portable avec eux en se disant, j'espère qu'ils ne vont pas nous appeler. Voilà. Alors, vous avez le choix, c'est soit David Guetta dans un instant. Ou alors, vous avez le choix avec Soprano. J'ai l'impression que ni l'un ni l'autre. Ou alors, j'ai mieux. Non, pas ça. Radio Nostalgie, bonjour. 5h54. Sur Fadjet, 5h55. Du mat. Comme. Très bien. Bon. Alors, chers amis, eh bien, j'ai fait le choix. Vas-y. J'ai fait le choix parce que ce matin, la programmation musicale, elle est préparée depuis 6 mois. Hein. Ouais. Je viens vous dire qu'attention. Hein, oh là. Alors, oh là. Mais là, on a vraiment tapé dans le dur. Hein. Absolument. Ah oui, oui. Avec certainement la chanson, chers amis, que vous allez adorer, que vous aimez. C'est une reprise. À la Lila, chanson Soleil. On en a bien besoin. Oh oui. Eh bien, la chanson Soleil, reprise version 2015. Ça donne ça. Et je salue toutes celles et tous ceux qui bossent actuellement et les autres. Bon réveil. Et dans un instant, on continue nos appels téléphoniques, car c'est ça, Multitube. Notre fil rouge de ce matin est Antoine qui nous écoute, figurez-vous, parce qu'il nous écoute maintenant. On arrive pour les croissants. Antoine. Bon réveil, merci. 6h05. Te sens-tu-toi dans la gaieté? C'est Gapendorf qui fait toi pleurer. Quand elle dit fait oublier tes adrins. Allô, bouge les reins. C'est gala pour faire toi passe toute la fin. J'adore. Oh la vache. Ah j'adore ça. Ah c'est un réveil super. J'adore. Allez, il est presque 6h sur Fadjet. Fadjet. 30 ans. Joyeux anniversaire. Une nouvelle heure, une nouvelle année. C'est peut-être ça qui vous a... Fadjet. 30 ans, 30 heures de direct. Et là, nous voilà plongés dans l'année 2006, mes amis. Oui, nous continuons 30 heures de direct. Et on n'oublie pas le principe, même si on est un peu dans un multitube, un peu déconnecté, on se marre bien. Autant vous dire, une année égale une heure d'antenne. 2006, qu'est-ce qu'on écoutait à la radio? Est-ce que vous vous souvenez, les amis? Oui. Ouais, qu'est-ce qu'on écoutait? Moi, j'écoutais Shakira. Oh bah, hey, bon, alors là, je sais pas. Franchement, bravo. C'est Shakira qu'on s'écoute. Bah, je le mets maintenant, tu vois. C'est quoi? Vieux jingle, comme on faisait. Et c'était les 30 ans de Fred, en plus. Si c'est pas bien. Pas du tout, puisque je fête mes 30 ans maintenant. Pardon, mon petit. Tu les fais vraiment. La radio des jeunes, de toute façon. Le mec, il est en train de manger en même temps. C'est ça. Le petit déj. Bon, allez, Shakira, c'est ce qu'on écoutait il y a 30 ans. N'importe quoi. Il y a 9 ans. Il y a 30 ans. fréquence vacances 94.2. Il y a toujours du soleil en FM, branché sur Fadjet. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this.